5. Activation orale, prononciation, tutu, toutou. Pour prononcer la voyelle de tutu, u, le bout de la langue vient appuyer contre les dents inférieures. Toutou, ou, et tutu, u. Écoutez et répétez. Toutou, tous les deux, épousés. Cousin. Tutu. Utile. Sûr. Une. Entendu. Étudié. Tu vas bien? Unique. Plutôt. Non plus. Stupide.